Un stylo et ça charbonne. Moi j'attends pas que ça cartonne. Ma seule trace sur terre, ça sera mon empreinte carbone. Le public s'abonne, j'en suis première étonnée. Alors je vais leur entonner jusqu'à en devenir aphone. Ta place dans l'iPhone sous un ciel bétonné. Si le succès me pète au nez, les refs on fera croquer. Des rimes j'ai stocké, gratteur hyperactif. Je serai jamais coqué, mais je vais me refaire un spliff. Bonnet sur l'étif, pareil que je fais pas mon âge. Bientôt 40 piges, toujours des excès de langage. Pour les miens, je m'engage, moi j'ai pas peur de crever. Tous les matins, j'enrage dès que c'est l'heure de se lever. Amnésia au petit-déj pour démarrer la journée. Ça m'aide à supporter tous ces humains qu'on l'air genouné. Un coup d'œil sur la prod, c'est des rimes que je vomis. Fair play comme Tony, je te fais un doigt au Shifumi. Peur de finir comme Shumi, je regrette les fautes commises. En équipe comme les fourmis, donc entre nous, on se corrige, pacifiste. Je fais pas la guerre comme au Mali, mais je veux pas rater la dernière occasion comme Colomwani. On a tous nos manies et nos sevilles comme Mani. J'essaye de m'en séparer comme Tate Calcomanie. Je ne comprends pas la vie, les pédos ne sont pas qu'à Mani. Et si les fachos sont chauds, je mets la clim comme Cavani. Je sais que ça valide, je vous laisse pas le choix. J'ai beau dire n'importe quoi, c'est pas moi qui ferai ma valise. Le buzz ça va vite, tout comme une fille de joie. Et si on défie vos lois, c'est parce que vous nous l'avez mise. On vit dans la bêtise, on a la tisse comme Becky. Je sais plus, je dois aimer qui, j'ai perdu tout appétit. Quand l'oiseau fait son nid, on dit petit à petit. Moi c'est Custy après Custy que mes songes ça me nuisent.